1. Alors là, non, vous exagérez. Je n'ai pas dormi. 2. Assez! Vous allez l'éteindre, votre télé? 3. Ça commence à bien faire, la musique, à 1h du matin. 4. Vous avez dépassé les bornes. 5. C'est trop fort! Vous déménagez la baraque ou quoi? 6. C'est pas possible ce bruit! 7. Votre chien a encore aboyé toute la nuit! Je suis furieuse!